22. Ok, alors on y va. Un jour je sourirai moins, jusqu'au jour où je ne sourirai plus. Un jour je parlerai moins, jusqu'au jour où je ne parlerai plus. Hier on se regardait à peine, c'est à peine si l'on se penchait. Aujourd'hui nos regards sont suspendus, nous les résidents de la République. Je ne sais pas, je ne sais plus. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais plus. Je suis perdu. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais plus. Je suis perdu. Je ne sais pas, je ne sais pas. Parlerai moins, peut-être le jour où tu ne me parleras plus. Un jour je voterai moins, le jour où la terre s'entourira. Hier on se regardait à peine, à peine si on se penchait. Aujourd'hui nos regards sont suspendus, président de la République. Où le rose a des reflets bleus, président de la République. Chérie, des atomes, fais ce que tu veux. Je ne sais pas, je ne sais plus. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais plus, tu vois. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais plus. Je suis perdu. Je ne sais pas. Toi tu dis. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais plus. Un jour, je te parlerai moins. Et ce jour, tu ne me parleras plus. Un jour, je voguerai moins. Peut-être le jour où la terre s'enfouira. C'est à peine si on se pensait. Aujourd'hui, nos regards sont suspendus. Résident, résident de cette France. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais plus. Je suis perdu. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais plus. Je suis perdu. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais plus. Je suis perdu. Je ne sais pas, je suis perdu, Titi. Allez, Titi! Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais plus. Je suis perdu. Bonsoir Paris. Bonsoir l'Auvergne. Bonsoir. Pas mal le solo. Tu veux le refaire? J'arrête de chanter, tu fais que du solo. Pour voir ce qu'il a titillé dans la guitare. Thank you. Thank you.